إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Aujourd'hui on va clôturer cette risala inshallah avec le dernier point qu'il citera qui sera office de conclusion. Wa huwa ahdafu al-aqidati al-islamiyya. Les objectifs de la croyance islamique. Qu'est-ce qu'elle vise ? Il va citer certains points, parce qu'il y a beaucoup de points, il va citer certains seulement. Alors, vous connaissez tout ce qui a précédé Al-Iman ou Billah, Al-Iman, Al-Iman, ainsi que ces six piliers, une fois que tu as tout ça, là, il te fait un résumé des choses que cela va t'apporter, d'avoir le tout avec toi. Qala, Al-Hadaf, Lughatan yutlaqu ala ma'anin, minha al-gharz. ينصب لرمي إليه وكل شيء مقصود. Donc le hadaf, يعني ça en arabe ça a plusieurs sens. Et parmi eux, la cible, une cible, chose que tu vises. Et également un but, un objectif. وغير ذلك. وأهداف العقيدة الإسلامية مقاصدها وغايتها النبيلة المترتبة ولا التمسك بها وهي كثيرة متنوعة فمنها. Donc les buts justement de cette croyance islamique, ces objectifs, yani, qui sont à la base bâtis sur une accroche, une fermeté sur cette aqida, sont très nombreux. Et parmi eux, on va en citer certains. أولاً إخلاص النية والعبادة لله تعالى وحده لأنه الخالق لا شريك له فوجب أن يكون القصد والعبادة له وحده. Donc en premier lieu, la sincérité, avoir une bonne intention. Pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, car c'est lui le créateur, il n'a pas d'associé, donc il est obligé. On vise une chose à faire pour Allah, on ne cherche que lui, que son visage, qu'obtenir son agrément, lui seul. Car celui qui aura fait une adoration pour autre que Allah, en visant autre que Allah, ou même en mélangeant, aura fait du shirk. Thaniyan, tahriru al-aqli wal-fikri min al-takhabbut al-fawdawi, anashi'i an al-khalw al-qalbi min hadi al-aqida. لأن من خال قلبه منها فهو إما فارغ القلب من كل عقيدة وعابد للمادة الحسية فقط وإما متخبط في ضلالات العقائد والخرافات. Donc maintenant également parmi les buts de cette aqida qui te libère l'esprit à la pensée de tout, on va dire, désordre. Ça te met les choses en place. D'accord ? Ça t'ordonne ta façon de penser. Et ces choses-là qui, elles, résultent d'un cœur vide. De toute croyance. Celui qui est de toute croyance, il dit justement, tu le vois, il adore le matériel. Parce que comme on l'a expliqué, tu seras obligé d'adorer quelque chose. Donc celui qui n'a pas une éthique dans sa croyance, sur laquelle il se tient, qui soit dictée comme il faut avec les preuves, et qu'il y croit fermement, il va aller à droite à gauche, il va s'éparpiller. Quand même. Donc tu vois, par exemple, les philosophes, tous les jours, ils vont sortir un nouveau truc. Ils passent leur temps à réfléchir. Ils appellent ça des penseurs. Tu vois, il pense, c'est-à-dire enfin, il perd son temps et il est la main sur le menton comme ça, les yeux vers le ciel, et il réfléchit. À quoi il réfléchit, on ne sait pas. Il veut refaire le monde, il veut comprendre des choses que Allah nous a tout expliqué ce qu'on a à savoir. Seul le musulman, il n'a pas le temps. S'il pense à quelque chose, il réfléchit à comment obtenir sa maslaha dans le din ou dans la dunya. Mais eux, ils pensent à refaire le monde. Des gens qui n'ont pas de l'aqida dans leur cœur. Et même parmi ceux qui disent philosophes, parmi les musulmans, tu les vois, ils sont perdus. Et c'était le cas de qui, à fut un temps, c'était Abdelhamid al-Ghazali, fut un temps, qui a été pris par l'Imam al-Kalam, il s'est perdu. Et en son lit de mort, il avait Sahih Bukhari sur lui. Et qu'il a reconnu tout le temps qu'il a perdu avec la philosophie. L'Imam al-Kalam. Tamam ? Tayyib. Donc voilà, c'est ça qu'il dit à la fin. Soit, tu vas te retrouver, là il parle du kafir, tu vas te retrouver éparpillé dans tes pensées, à droite et à gauche, et tu vas te mettre à adorer le matériel, ou alors, tu vas te retrouver complètement confus dans ta croyance, complètement égaré, entre les mythes et autres choses qui vont t'amener à la perdition. Là il parle pour le musulman. Donc, cette croyance, Inch'Allah te met les choses en place, te met les idées en place. Alhamdulillah. Et il t'éduque. Thalithan, arrahatul nafsiyatu wal fikriyatu. فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر، لأن هذه العقيدة تسير المؤمن بخالقه فيرضى به ربا مدبرا حاكما مشرعا، فيطمئن قلبه بقدره وينشرح صدره للإسلام، فلا ينبغي أو فلا يبغي عنه بديلا. Donc également cela amène à apaiser ton nefs, ton âme. Tu n'es pas tout le temps inquiet de ce qui se passe autour de toi ou perturbé. Pourquoi ? Car cette aqidah, elle te fait parvenir à ton Seigneur. Elle t'apprend à connaître qui est ton Seigneur. Donc cela t'emmène à l'agréer comme Seigneur, comme celui qui gère toutes choses, comme juge et comme législateur. D'accord ? Et ton cœur agrée son destin, son qadar. Car tu sais que tout ce qu'il a fait, il l'a fait par sagesse. Donc là, ta poitrine, alhamdoulilah, s'épanouit pour l'islam. Et tu ne recherches aucun remplaçant. Une fois que tu es dans l'islam, avec une bonne croyance, d'accord, tu t'en contentes, tu en es satisfait, tu ne veux rien d'autre. Au contraire, tu combats tout ce qui s'y oppose. Rabi'an, salamatul qasdi wal amal min al-inhiraf fi ibadatillahi ta'ala aw mu'amalati al-makhluqin lianna min ususiha al-iman bi rusul al-mutadamminu li'itba' tariqatihim dhati salamati fi al-qasdi wal amal. Donc quatrièmement, cela t'amène à avoir un bon objectif dans la vie. Également d'avoir des actions qui seront elles-mêmes prémunies de la déviance dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans les échanges avec la créature, avec la création. Cette croyance va préserver justement ton attention, tes objectifs, elle va préserver tes œuvres des déviances dans l'adoration et va t'aider à avoir des bons échanges avec les autres. Car ces bases sont, parmi les bases de cette croyance, la foi au messager, qui implique le fait de les suivre, suivre leur voie. Et cette voie-là, elle t'emmène à cela. La voie des messagers t'emmène qu'à la motivation pour atteindre des bons objectifs et avoir des bons échanges avec les gens. Car les messagers nous ont éduqués à ça. Et qui plus est, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Khamisan, al-jazm wal-jid fil umur bihaythu la yafutu fursa للعمل الصالح إلا استهلها فيه رجاء للثواب ولا يرى موقع إثم إلا ابتعد عنه خوفا من العقاب لأن من أسس الإيمان بالبعث الجزاء على الأعمال. Donc le cinquièmement, cela t'emmène à être déterminé et sérieux dans les choses, dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends. Du fait que tu ne laisses aucune occasion qui t'échappe de pouvoir faire une bonne action. D'accord ? Dès qu'une occasion se présente à toi, tu la saisis. Pourquoi ? Par espoir d'en attirer la récompense. Tout comme tu ne vois pas une situation qui amène à un péché ou quoi, sans que tu t'en éloignes. Par peur d'en subir la punition et le châtiment. Car également parmi les fondations, justement, les fondements de cette croyance, on croit en quoi ? On avait expliqué Al-Ba'th, la résurrection. Al-Jazay, la rétribution par rapport aux œuvres. Yaqulullahu ta'ala, kullin darajatun mimma amilu. Et que chacun sera rétribué en fonction de ce qu'il a œuvré, et que ton Seigneur n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Donc justement également le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé à cela, comme dans le hadith d'Abu Huraira où il dit que le croyant qui est fort est meilleur et plus aimé pour Allah que le croyant qui est faible, et que les deux ont du bien. Donc toi, préoccupe-toi de ce qui t'est bénéfique et recherche de l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne baisse pas les bras. Quand même, ne baisse pas les bras. Si même une chose t'arrive, t'atteint, ne dis pas, si j'avais fait telle ou telle chose, il serait arrivé telle ou telle chose. Car si, ouvre une porte à Shaitan. Et attention, le si, en arabe, il y en a plusieurs. Car souvent en français, ça amène à la confusion. Les gens, ils voient le mot si, et en français, on n'a que si. Alors qu'en arabe, il y en a plusieurs. Ta'in, ta'law, ta'idha, waray zalika. Là, on parle de law. Elles n'ont pas tous le même sens. Donc ne pas appliquer une règle comme ça sur une traduction en français. Il faut d'abord apprendre le sujet. Qu'est-ce qui est visé par le sens de si ? Car le si est dans le Coran très souvent, dans les hadiths très souvent. Ce n'est pas toute parole qui contient un si, qui est mauvaise, mais certaines seulement avec des conditions. Et dans Kitab Tawhid, il y a Majafi Laou. Si. Tamam. Sadisan, Takwin Ummatin Kowiyatin, Tabzilu Kul Aralin Warahisin Fit Tazbit Diniha. غير مبالية بما يصيبها في سبيل الله وفي هذا يقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم أنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Donc de là, cela également, sixième point, cela forme une communauté forte qui dépense tous ses efforts dans le raffermissement justement de sa religion, dans le raffermissement de sa religion et dans ses piliers, dans ses fondations. Et il ne soucie pas de ce qu'il atteindra sur le sortir d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que Allah, dans le sens, il dit, les croyants sont seulement ceux qui ont cru en Allah et en son messager, et ensuite qui n'ont pas hésité, et qui ont combattu avec leurs biens et leurs personnes sur le sortir d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Donc le musulman, quand il a une vraie croyance dans son cœur, tu le vois, comme on dit, il va de l'avant. On lui dit pas, ouais, mais si tu fais ça, il va t'arriver ça, ça, ça, ça. Si c'est ce qu'il fait, c'est machelour. C'est légiféré, il a des preuves. Et que c'est demandé, il fait pas attention et il y va. Il va de l'avant. Sabi'an wa akhiran, al-wusul ila sa'adati dunya wa al-akhira bi-islah al-afrad wa al-jama'at. Wa al-nail al-thawab wa al-mukarramat. Wa fi zaidika yakulullahu ta'ala, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حية طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Donc il dit également, septièmement, cela t'emmène au bonheur, au bien-être dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et cela comment? En apportant la réforme pour les individus et pour les sociétés. Cette croyance, quand tu y appelles, amène à réformer des personnes en particulier, ceux qui t'ont écouté, ou alors une société entière. Car une, deux, trois, quatre, 100, 500, 600 personnes rentrent et écoutent, ça influe sur le reste. Mais là, échec. Et également pour obtenir la récompense et les honneurs, c'est-à-dire d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que Allah, dans le sens, il dit, celui qui œuvre dans le bien, en tant qu'homme ou femme, et qu'il est croyant, nous le ferons vivre une bonne vie. Et nous lui attribuerons leur récompense encore mieux que ce qu'ils ont œuvré. On a expliqué un fatambi, quand on dit la bonne vie, ce n'est pas la bonne vie que les gens s'imaginent. Forcément la richesse, le confort, c'est dans ton cœur. Tu es apaisé justement comme ces buts là définis dans ce livre amènent justement à démontrer que ton cœur il est serein. Et c'est ça le plus important. Si ton cœur il est serein, apaisé, satisfait, quand même, et plein de croyances et d'imen, de tawfiq, tawakkul, tu auras une bonne vie dans le sens où tu ne seras pas dans les inquiétudes que sont ceux qui n'ont pas cela avec eux. Aussi riche soit-il, aussi richissime soit-il, toi dans ton cœur, tu es plus riche qu'eux. Ada wal aham. Et toi, tout ce que tu n'auras pas obtenu dans cette dunya, on l'a expliqué par rapport au qadar, tu seras consolé du fait que tu diras, je l'aurai plus tard en mieux. Je ne l'ai pas eu ici, c'est pas grave. J'en suis privé ici, pour mon Seigneur, j'aurai mieux et plus grand, Inch'Allah, par la suite. Contrairement aux gens qui sont avides de dunya, qui veulent tout maintenant, tout de suite. Sinon, s'ils ont pas ça, ils sont pas bien. Jusqu'à certains se tuent, ils donnent la mort pour ça. Bah toi, justement, ceux qui donnent la mort pour ça, c'est qu'il n'a pas une bonne vie. Il n'a pas une bonne vie. T'as même. Thumma yukmilu bi qawlihi. هذه بعض الأهداف العقيدة الإسلامية نرجو الله تعالى أن يحققها لنا ولجميع المسلمين. آمين. Donc il dit, voici certains des objectifs visés par la croyance islamique. Nous espérons d'Allah qu'il les réalisera pour nous et ainsi que pour tous les musulmans. Donc là s'achève la lecture de cette Risala Mufida Jiddan qui aide à comprendre mieux la croyance, le fondement de la croyance des musulmans. Il y a d'autres détails dans la croyance à ajouter, même, que ceux-là sont les principaux et parmi les plus importants. On nas'al Allah an yanfa'ana bima sami'na wa qara'na. On nas'al subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.